baisse jamais les bras, ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais les bras. Squash, ne pleure pas, ne baisse pas les bras, quoi qu'il arrive, reste fort et fier au fond de toi. De voir c'est de l'avant, toujours de l'avant, toujours de l'avant. Ne regarde jamais le passé, va toujours de l'avant. De voir toujours de l'avant, toujours de l'avant. Ne regarde jamais le passé, va toujours de l'avant. Respect my name, yeah. Respect my name, yeah. Respect Francisco Rap, yeah. Respect my name, yeah. Respect my name, yeah. Respect Francisco Rap, yeah.